Hop, hop, hop. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la cellule, le dernier. Le dernier. Tu veux nous faire le présentateur? Je peux faire le présentateur aussi. Bonjour et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Ah oh là là, vas-y Bobo, essaye-toi. Bonjour. Voilà, d'accord. Bon, il y a qu'un seul présentateur de ce podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Oui, je sais, vous êtes devenu sourd, mais c'est normal car le présentateur a changé. Et oui, c'est moi, Thomas, le grand, le non, beau. Non, c'est et moi. Et oui, maintenant. Je sais que vous êtes tout le monde. Non, non, quoi, non, non, quoi, c'est moi. Bonjour et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Et oui, aujourd'hui, la présentatrice, ce sera moi, avec nous, beaucoup de présentateurs. Et... Ah mince, le présentateur. Non, il ne faut pas de femmes pour présenter. Les femmes sont nulles. Les femmes sont nulles. Donc voilà, c'est ça ta conclusion pour ce début de podcast. Mais toi, t'es pas là, c'est nous les présentateurs. Bon, et ben voilà, c'était le podcast. Et toi, le méchant, Rani. Bobo, tu veux pas nous faire une petite présentation comme ça au pied levé, comme au petit déjeuner là? Bonjour. Les auditeurs ne voient pas, mais Bobo lève le pied. Bon, alors les gars, je vais vous montrer comment c'est. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasiment suite de la cellule avec aujourd'hui pour ce dernier podcast sur Sens, Flavie, ça va, t'as la forme, t'as la pêche, t'as la patate. J'ai la patate. La patate, c'est très bien. Bobo est avec nous également. Bonjour. Bobo. Bonjour. C'est bien Bobo, toujours aussi nifosien. Et Thomas Poussou est avec nous également. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à vous élire le nouveau présentateur de la cellule. Pour Thomas, appuyez sur le 1. Alors, si vous voulez... Pour Flavie, c'est le 2. Alors, et pour si Romaric, surtout, vous ne votez jamais pour si lui. Si vous voulez éjecter Thomas, c'est le 4. Si vous voulez éjecter Flavie, c'est le 3. Et c'est le 2 pour Bobo. Voilà. J'ai une question. Est-ce que c'est vraiment le dernier podcast de Sens ou juste pour la saison 1? Alors, en fait, c'est le dernier podcast sur Sens. C'est pas une saison 1, on va dire, de la première session. C'est-à-dire qu'on va arrêter de diffuser des podcasts sur Sens parce que pour le moment, les livres ne sortant pas parce que l'auteur est un petit peu lent à sortir ses bouquins, on commence à avoir de plus en plus de mal à trouver des thèmes sur Sens. Donc on a décidé avec mes camarades podcasteurs d'arrêter, de faire une pause. Et puis surtout, le fait d'avoir la contrainte de un mois, ça nous... Comment dire, ça nous contraint à enregistrer les podcasts trop régulièrement pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, par exemple, si on veut inviter des gens ou quoi que ce soit, on peut pas le faire parce que du coup, on doit forcément enregistrer ce mois-ci. Sinon, ah, au secours, on n'aura pas de podcast. Ouais, c'est pour surtout ce mois-ci. Que si on fait une pause, c'est parce qu'on y a le droit. Hein. On a le droit à 2 minutes par auditeur. Alors, vu le nombre d'auditeurs, on a au moins 3 mois de pause. Hein. J'ai pas compté. T'es sûr que t'as bien compté le nombre d'auditeurs? Donc voilà, donc on va faire une longue pause dans les podcasts sur Sens, mais bon, pour se quitter, on voulait défendre corps et ongles, on voulait vous proposer un dernier podcast sur les runes. Donc, comme l'a annoncé Romaric, c'est un podcast qui va partir sur les pieds. Voilà, c'est un podcast sur les pieds. Donc il faut savoir que ce podcast est enregistré au petit déjeuner, un dimanche matin, alors qu'hier soir même, nous avons fait une partie de Sens Mort, maîtrisée par Flavie, donc nous sommes absolument réveillé, tout à fait au taquet. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis totalement pas réveillé. Donc on va commencer par l'actualité comme d'habitude, avec une actualité assez dense. Tout d'abord, il y a eu 2 conventions le mois dernier, donc on va en parler un petit peu. La convention de Rennes tout d'abord, donc Eclipse, qui s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Ouais, on a fait un bon chiffre. Ouais, c'est aussi ça l'indie, hein. Je crois que c'est des jeux qui se vendent. On est en progression de 6% sur 12 mois glissants. Donc, ça s'est très très bien passé. On a eu l'occasion de revoir Guillaume Zarasque qui traîne de temps en temps sur le podcast, qui écoute le podcast de la cellule. On a eu l'occasion de saluer... Pardon Thomas, qu'est-ce que tu fais avec ton micro? Voilà. On a eu aussi l'occasion de saluer d'autres personnes qui sont venues nous faire des gros bisous sur des gros boutous. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qui se passe Thomas? Rien. Tu as touché le fil de son micro, je crois qu'il s'en remettra pas. D'accord, pas touché au jus d'orange avec Thomas. L'ambiance était plutôt bonne à Eclipse. Hein. Il y avait beaucoup de femmes. Bobo, qu'est-ce que t'en as pensé des femmes? J'en ai vu 2. Ah vache, j'en avais beaucoup, dis donc. On a doublé par rapport à l'année dernière. C'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Non, bah le... La convention. Ouais, d'être passé rapidement. Hein, c'est une convention qui est, qui est toujours très sympathique, malheureusement, je trouve, qui se déroule dans des, ouais, dans des locaux inadaptés. La fac de Beaulieu, c'est très bien, c'est très grand, mais c'est trop grand. C'est trop grand, tu trouves ? Bah, tout le monde est dispersé, du coup, pour tout le monde est éloigné. Ouais, ça, s'il y a manque de convivialité, tu veux dire quoi ? Les gens sont trop éloignés les uns des autres. Alors ouais. Après, c'est peut-être plus confortable pour ceux qui font des parties, qui sont en train de masteriser, c'est peut-être d'avoir chacun leur salle, c'est plus confortable, hein, ouais, c'est sûr. Mais du coup, en tant que badaud, comme moi, à la convention, bah, du coup, ça fait vide. Et tu dis, bah, mince, il n'y a personne, ils sont gentils, ces rôlistes, mais... Mais où sont-ils ? Parle dans la mousse, Bobo, comme au travail. Je parle dans la mousse, mais je suis digne. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, globalement, sur le fait que ce soit un petit peu grand, notamment pour les auteurs. On n'est pas les uns sur les autres, donc on n'a pas l'occasion, forcément, de discuter. Si on veut être sur le stand ou discuter, on doit forcément quitter son stand et venir discuter chez les auteurs, etc. Mais bon, moi, à part ça, je trouve ça toujours nickel. T'as les petits gâteaux et tout quand tu joues. Enfin, il y a plein de trucs qui sont super bien organisés à Eclipse. Moi, je trouve que c'est la meilleure convention de tous les temps ever. Je dis ça parce que c'est celle-là aussi le moins loin. C'est celle la moins loin pour moi ? Ah bah oui. Ouais, enfin, quand c'est pas beaucoup plus loin, Thomas. Ça fait plus de kilomètres. Ouais, une heure de plus de voiture. Wouhou ! Et justement, nous allons parler de quand ? Quand dira-t-on ? Alors, j'ai eu l'occasion de... Ce que je retiendrai de quand, c'est là, par contre, pour le coup, une convention super conviviale. Et on est vraiment, du coup, plus resserré, donc c'est vraiment sympa. J'ai revu aussi Vincent, donc j'étais content de le revoir en dehors du podcast qu'on avait enregistré avec le MDI. C'était vraiment sympa de pouvoir rediscuter avec lui un petit peu. Et puis surtout, j'ai fait la connaissance de Valentin et de Néliane des Ombres d'Estérène, qui sont vraiment des super gars. Donc on a enregistré un podcast avec eux, donc podcast à venir, tandis que Thomas est parti. Et voilà, Flavie, qu'est-ce que t'en as pensé de quand ? Ouais, c'est la convivialité, quoi. Enfin, on peut la rester... convivialité. La convivialité. On peut rester discuter pendant des heures. Enfin, on rencontre des gens sympas. Puis, c'est tout bête, hein, mais il y a vraiment une proposition de jeux de rôle qui va de l'indie aux plus commerciaux, en fait. Donc, moi qui étais plus indie, j'ai pu jouer à des jeux qui m'intéressaient. Mm-hmm. Joué à quoi là-bas ? J'ai joué à Théocali, qui sortira normalement en septembre. Je crois que c'est Footbridge qui va s'occuper de son édition. Très bien, très très bien Théocali. Et c'est agréable en fait comme convention pour pouvoir discuter un peu avec tout le monde. Et puis la bouffe est bonne c'est rigolo quoi. Enfin, d'accord. Non, moi j'aime bien. Alors, donc deux bonnes conventions et puis une convention à venir en mai. Il y aura également Sous l'œil de Mélusine à Poitiers, donc où je serai. Flavie, tu viendras avec nous alors ou pas ? A priori, il se trouve que j'avais mal vu où étaient mes vacances, donc je risque de venir à Poitiers. Ouais. Et ben voilà, donc ça c'est parfait. Sauf que je pense que je ne masteriserai pas, je pense que je vais juste être joueuse et profiter un peu de toutes les offres. Ouais, bah écoute, moi je sais pas, vu que Cédric compte maîtriser du sens aussi, enfin bon. Je sais que, comment il s'appelle, Cranisten qui écoute ses podcasts. Moi, si j'y viens, ce ne sera pas pour masteriser du sens, mais du écrime. Ouais, donc, ça serait bien. Faut que j'appelle les... Propositions les... totalement nouvelles. Parce que... Bah, et en même temps, je viens de m'apercevoir, c'était quand ? Hier soir que je pouvais peut-être venir, donc du coup... Moi, enfin, je sais pas, mais il faut que je vois avec eux, mais j'aimerais bien jouer aussi. C'est bien de jouer, de découvrir des jeux. C'est clair. C'est bien clair, pour c'est le one-shot aussi, sur Play. Ça permet de découvrir des trucs qu'on peut utiliser dans One Shot. Pub, propagande. Oui, exactement, One Shot, tous les dimanches soirs à 20h, venez nous écouter. C'est vrai que ça, c'est une des actualités donc, qui nous concerne personnellement, c'est l'arrêt des podcasts sur Sens. Donc voilà, c'est terminé à la place sur le blog de la cellule, puisqu'il n'y aura plus de diffusion de podcasts sur Sens. Ce qui va se passer, c'est qu'on va diffuser une émission qu'on enregistre habituellement pour Play, qui s'appelle One Shot. Thomas, tu veux parler de One Shot un petit peu ? C'est quoi One Shot ? One Shot, le concept, c'est de prendre un jeu qui nous plaît. Ouais. Ou nous plaît discuter... pas, hein, selon. Oh, moi, je préfère présenter des jeux qui me plaisent. Ouais. Mais après, c'est un choix. Mmh. Ensuite, on va, via podcast interposé, présenter un peu le jeu, savoir qui l'a fait, quelle était l'idée, un peu le système. Ouais. Puis, on pose les micros, on fait une partie de fou. Et à la fin de la partie, on reprend les micros et là on dit comment c'était, qu'est-ce qui nous a plu, où est-ce que éventuellement ça peut bugger. En gros, c'est un rapport de partie en live. Voilà, c'est un rapport de partie en live. En gros, one shot, c'est ce que vous faites vous avec vos tables et qu'à la fin du scénar, ben vous avez pas de micro mais vous faites la même chose que nous. Dites ben voilà, ça m'a plu, telle scène m'a plu. Vous avez des micros à la main, vous pourriez bosser comme nous. C'est du débriefing de jeu en live, donc on passe. Ah chaud. On se passe sur le système, on parle un petit peu de l'univers, on parle de ce qui a posé problème, s'il y a problème parfois dans la partie. Problème, ce qui nous a plu, s'il y a des choses qui nous ont plu. Voilà. Et à la fin, on met une note pour dire, bon, il faut l'acheter, il ne faut pas l'acheter. Alors, c'est une note, ouais. Enfin, on profère un jugement final. On va dire. Si le jeu est pourri, moi je mettrai direct une note de 0. Hein. Je ne m'arrêterai pas pour le dire. Donc voilà en tout cas ce qui sera diffusé à la place des podcasts sur Sens. En attendant bien sûr que cet été soient réunis les différents maîtres de jeu de Sens. Donc on fera probablement une semaine Sens avec les maîtres de jeu. Donc si vous nous écoutez en ce moment, que vous n'êtes pas encore manifesté, inscrivez-vous sur le forum. Parce que j'ouvrirai bientôt un thread d'organisation de cette semaine Sens. Où tous les maîtres de jeu, je l'espère, en une grande partie en tout cas des maîtres de jeu de Sens, se réuniront. Afin d'enregistrer une douzaine de podcasts qui seront ensuite diffusés, podcasts sur Sens qui seront ensuite diffusés pour la session 2. Donc voilà, on fait une pause sur les podcasts, dans les podcasts de Sens, mais on ne va pas arrêter d'en enregistrer, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes un maître de jeu de Sens. Adrien, Volion, tout ça. Je suis un maître de jeu et Sens, c'est bien. Je manifeste. D'accord, merci. Merci Thomas, c'était vraiment très intéressant. Est-ce que Chemise sera là? Bah écoute, j'espère qu'il sera là. Quand ce sera du sans chemise et sans pantalon. Oh là là là là là là là là là là. C'est le petit déj, hein. Tu cherches pas d'excuses. Oh merde. Donc quoi qu'il en soit, autre actualité, c'est l'interview pour Radio Rollist, donc le projet podcast de Cobal. Cobal habituellement fait des podcasts sur l'actualité du jeu de rôle. Il revient sur certaines aussi théories dans ses podcasts en général. Mais là, il a fait plusieurs hors-séries où il interview les auteurs qui étaient présents à Eclipse. Et donc, je viens de le dire précédemment, j'ai été interviewé. J'ai eu la chance d'être interviewé par Cobal. Vous pouvez écouter cette interview où on parle pas mal de philosophie. C'était vraiment très intéressant. Ouais, voilà, c'est pour les gens qui veulent entendre parler de Sens encore un petit peu. Entendre ta voix encore plus. Il y a l'interview de Cobal. À la une également du Casus Belli. Nous avons été à la une du Casus Belli, enfin dans l'édito de Casus Belli. L'édito, attention. Cool. Pour une raison qui m'échappe encore un petit peu, c'est parce que nous avons eu récemment un podcast sur la Fédération française de jeux de rôle avec Thomas Laboret. Un buzz. C'est pour ça que on est dans l'édito. Un petit marronnier. Un véritable buzz puisque le podcast a été téléchargé 724 fois. 724 fois, c'est notre record absolu de téléchargement. Et je crois que là, la dernière fois encore là, c'est rien du tout parce que je crois que la dernière fois il avait dépassé les 800. Enfin, j'ai regardé. Plein de commentaires. On sent que c'est intéressé le monde rôliste. Une vingtaine de commentaires. Moi je pensais pas que les propos de Thomas Laboret étaient si originaux que ça. Tout le monde sait qu'il défend ce genre d'idée. Et donc du coup, je m'attendais pas à ce que ça fasse. C'était peut-être un peu étonnant, buzz. Même quand on sait qu'il défend ce genre d'idée. Entre le savoir et l'entendre le dire. Je demandais l'autre jour justement pourquoi, je ne sais plus si c'était avec Vincent ou je ne sais plus avec qui j'en parlais, je demandais mais pourquoi est-ce que ça vous fait tant réagir, et puis il disait en fait il ne l'a jamais dit aussi clairement. Donc apparemment voilà, les propos de Thomas Laboret étaient dits clairement apparemment dans ce podcast. Moi je n'ai pas trouvé ça si différent de ce qu'il avait dit pour Rollist TV lors de son interview. Qui avait été tant critiqué aussi sur Mystery Machine. Mais bon, voilà, apparemment, donc ce podcast a fait parler et ça nous fait connaître, et donc c'est bien. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui nous avaient découvert via Casus. Via du coup Casus, il y a des gens qui nous ont découvert via la FFJDR. Du coup, on en a parlé aussi sur Mystery Machine et sur Opal, ce qui m'a permis de rencontrer aussi la communauté d'Opal à Rennes, etc. Enfin, c'est un truc de ma boule. Ce podcast nous a permis vraiment d'être connus, entre guillemets, maintenant, le podcast de la cellule. Avant, si vous voulez, pour vous faire une pour vous donner une idée, vous qui écoutez le podcast régulièrement sur Sens, avant, le podcast de la cellule, c'était environ 1000 pages, 1200 pages vues par mois, avec environ, on va dire, une cinquantaine de téléchargements par podcast. Depuis l'interview de Thomas Laboret, tous les podcasts ont explosé. On est à 200, entre 200 et 300 téléchargements, même pour les podcasts sur Sens. Le podcast étant le moins téléchargé étant celui sur les quadrillades Rebirth, donc le dernier podcast sur Sens. Mais sinon, même ces podcasts-là ont explosé. Puis j'ai eu l'aveu aussi de plusieurs personnes qui me disaient écouter les podcasts sur Sens depuis. Donc en tout cas, c'était pas du tout pour faire du buzz que j'ai interviewé Thomas Laboret. Mais ça a marché, donc autant le signaler. Je signale aussi l'existence bientôt d'une nouvelle radio rôliste sur d'un nouveau podcast sur un site qui s'appelle Full Fiction. Déchaîne ton imagination. Donc, ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils allaient bientôt lancer un podcast. Et apparemment, ils vont faire une petite rétrospective de ce qu'il y avait avant. Donc, ils vont probablement parler du podcast de la cellule. Ils m'ont demandé de donner nos qualités et nos défauts. Et Flavie a trouvé une formule. On a la qualité de nos défauts. Flavie est naturel. Voilà. Flavie a trouvé cette formule qui est pas mal. Notre vertu, c'est qu'on est naturel. Et notre vice, c'est qu'on est naturel aussi. Et réécoutez-le. C'est qu'on est rôliste surtout. Non, justement, on est fiers d'être rôliste. Voyons. Thomas. Je suis fier de mes vices, moi. Donc, mais voilà, pour vous convaincre que notre naturel est à la fois un défaut et une qualité, il suffit de réécouter le début de ce podcast. Alors donc, on va tout de suite passer aux questions sur le forum. Top question. T'étais drôlement bien, dis donc, entièrement doublé à la bouche. On peut rajouter un défaut, hein, c'est le manque cruel de moyens pour le jingle. Lancez le jingle. Alors tout de suite, les questions sur le forum avec Maryse et Pierre. Alors Flavie, oui, où as-tu trouvé tes musiques des crimes? Première question. Oula, vaste sujet, je crois que j'avais répondu par MP. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce que c'est qu'Écrime ? Alors, Écrime, c'est le premier jeu de rôle de Mathieu Gabory. C'est un jeu de rôle qui se passe dans l'univers de Crime, en fait. C'est une série de livres qu'il avait faite. D'accord. Et c'est un jeu steampunk, ce qui se passe dans un monde où l'eau a disparu. Après, on ne sait quelle catastrophe écologique. Enfin, l'eau des océans. L'eau des océans. Et ouais, elle a été remplacée, en fait, par une substance qu'on appelle l'Écrime, qu'on connaît très mal, mais qui est très acide. En gros, tu tombes dans les crimes, tu meurs. Ouais. Et en fait, on va se rendre compte que les crimes possèdent des vertus plus ou moins magiques. Elles développent une espèce d'intelligence. Ouais, en fait, elles développent surtout une accointance avec l'esprit de certains humains et elles se greffent sur l'imagination des humains pour créer des choses. D'accord. Et à côté de ça, c'est un univers, du coup, vu qu'il n'y a plus la mer et que le niveau de l'écrime a monté, c'est un univers où en fait il n'y a que des îles. Donc on joue par exemple dans une Venise ou ce genre de choses. D'accord. Et en fait, c'est que des endroits où il y a de la pierre et entre les différentes îles, il y a des sortes de traverses, on appelle ça les traverses. Les chemins de traverse. Chemins de traverse, exactement. Crampons, où on peut se déplacer. Et donc. Et ça se joue dans une espèce de Russie un peu communiste. C'est juste. Ça dépend les endroits. Mais en fait, c'est juste avant la Révolution rouge. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. Et le but, en fait, c'est de jouer, en fait, pendant au début, on est. Dans une Russie tsariste sur le déclin. Non, c'est à la Russie, c'est à certains endroits, parce qu'au début, on a commencé en Italie, nous, quand on jouait. D'accord. Okay. Et donc, c'est juste qu'on arrive au moment où les théories marxistes se développent, parce que c'est un univers très steampunk. Donc, on a régressé, on est rendu au niveau de la première révolution industrielle. Et en fait, tout se développe à partir de cette première révolution industrielle. Et donc, les ouvriers sont maltraités. Ils vivent pas sur la pierre, mais sur des sortes de traverses. Ça a l'air vraiment sympa. Moi, j'aime bien l'univers. Maintenant, il a le défaut des vieux jeux, c'est-à-dire que c'est un vieux système. Ouais. Maintenant, c'est un univers que j'aime beaucoup. D'accord. Et donc, quel genre de musique tu utilises pour écrire, du coup ? Alors, moi, il se trouve que j'ai toujours bien aimé la musique concrète, qui est une sorte de musique électronique. Non, pas du tout. Ça se base sur des enregistrements. Podcast, je crois. Ça se base sur des enregistrements en fait de la vie de tous les jours. Il y a par exemple Tom York qui avait fait une musique à partir de la Thomas, de fais cette idée-là. Concrète avec ton micro. C'est-à-dire qu'à la base, la musique concrète, c'est pas une musique que tu peux écouter comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que les auteurs en ont fait après. C'est-à-dire que, par exemple, Tom York, il avait fait une musique où il avait enregistré sa femme qui faisait la vaisselle. Donc, on entend des bruits de vaisselle. Mmh. Et il a rajouté un peu de piano dessus. C'est à partir de la musique concrète, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il y a donc, du coup, c'est, je me suis inspirée de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un mec, un fan de Sens qui te pose cette question sur le forum ? Parce qu'a priori, il veut écrire un jeu de rôle qui se base sur. Qui serait steampunk, et du coup, il a du mal à trouver les musiques. Okay. Moi, je lui conseille aussi toutes les musiques qui sont inspirées des théories de John Cage sur le silence et toutes ces théories et autres. Et il y a Michael Nyman qui est pas mal pour faire ce genre de choses, qui a un univers assez particulier. Je lui conseille aussi toutes les musiques d'Alien, d'accord, où on entend des bruits au loin, etc. Je lui conseille aussi toutes les musiques, alors je ne vais pas me rappeler du nom de la nana. Ça, c'est du conseil pour du steampunk. Voilà. Toutes les musiques de celle qui a fait les musiques de Full Metal Alchemist. Donc, il y a les musiques de Full Metal Alchemist, mais il y a aussi les musiques du Chevalier d'Eon qui sont pas mal. Et bon, moi, je les ai prises aussi parce que pour Écrime, dans le Chevalier d'Eon, il y a des musiques qui font penser à la Russie parce que ça se passe en partie en Russie. D'accord. Mais bon, je sais pas quel est son style. Moi, pour moi, le steampunk, c'est rapproché évidemment des ouvriers, etc., de toutes les théories marxistes. Donc, du coup. Donc, John Cage. Il y a John Cage, mais il y a aussi, et là, je me rappelle c'est plus. C'est pas du très nom. Ouvrier, ça. Non, mais c'est pour les bruits qu'il y a, les silences, c'est des choses très lancinantes. Essayer de faire de la musique non harmonique, mais trouver des sons quoi, de la rue. Il y a aussi les musiques de Koyaanisqatsi que tu peux utiliser. Koyaanisqatsi. Donc, qui sont pas mal pour mettre en place des ambiances très lancinantes. Et sinon, je lui conseille tout ce qui est musique, ambiance, avec des sons. D'accord. Voilà. On est en train de perdre Thomas là. Voilà. T'en fais pas Thomas. En gros, si vous voulez trouver ce genre de musique, vous allez vous renseigner. Il y a toute la page Wikipédia sur la musique concrète, etc. Vous trouvez les noms des gens qui ont fait de la musique concrète et vous trouvez les musiques de films qu'ils ont faites. Donc voilà. Et c'est ensuite, à partir de là, c'est plus facile à trouver. Donc vous constaterez que Flavie est une esthète de la musique. Cette podcasteuse vous était offerte par Radio Classique. Eh, c'est pas moi qui ai posé la question, tu m'as demandé, je réponds. Premier violon. Tandis que nous entendons ici le premier violon joué par Stakhanov, Mifos Kadriov. Le fragile. Est-ce qu'il doit nécessairement, le fragile à la table, doit-il nécessairement être Fluvius ? Non. C'est un exemple de personnage. Voilà, c'est un exemple de personnage. Non, franchement, c'est de quoi la cette même question façon, alors, de est-ce la que même vous voulez jouer Agonis ? Vous n'avez pas besoin de jouer Agonis ou Marius quand vous êtes un bug. Vous n'avez pas besoin de jouer Fluvius si vous êtes un fragile. Mais le truc, c'est est-ce que ça veut dire. En fait, est-ce que Fluvius se présente comme étant un espèce de monarque des fragiles ou en tout cas le chef des fragiles, leader des fragiles ? Est-ce que le fragile qu'on incarne est forcément. Mais alors je sais pas. Forcément quoi. J'ai le leader des fragiles. Bah non, puisque c'est Fluvius. Ouais. Bah, voilà. D'accord. Alors voilà. Alors bien beau de dire que c'est Fluvius, mais quelque part Fluvius, c'est aussi tous les autres fragiles en fait. Tous les fragiles sont les mêmes. Ouais, parce qu'ils parlent avec nous. Ah c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme ils ont une intelligence de groupe, genre les abeilles. Non. Mais ils ont quand même une partie personnelle. Ils ont une intelligence de groupe. Hein. Attention, là je corrige. Ils disent nous parce qu'ils ont l'impression que leur identité personnelle est très étendue dans l'univers et se perd un petit peu dans les étoiles, etc. Mais ils disent pas nous pour dire nous les fragiles. C'est-à-dire que les fragiles ont chacun une propre conscience. Oui, tout à fait. Oui, ils ont une propre personnalité. Ils ont une propre conscience. Je sais pas, ils sont tous calmes, ils parlent quasiment jamais. Dès qu'ils disent trois mots, ils sont fatigués. Les fragiles répondent-ils tous à la philonite ? Non. Tous les humains répondent à la philonite ? Ben, si, les fragiles sont potentiellement tous des bugs, donc ils répondent tous à la philonite. Comme tous les humains, peuvent répondre. D'accord, ok. Peuvent-ils entrer en résonance avec la philonite au sens de. Tu vas activer de la philonite, voilà. Tous les fragiles sont des bugs ? Tous les fragiles sont des bugs potentiels, ouais. Donc bug. En fonction. Des bugs. Passé en mode français ? Je suis passé en mode français. Un bug. En mode français. Je vais t'envoyer une frimousse. Donc voilà, tous les fragiles font réagir la philonite, effectivement. Ne seraient-ils pas les fragiles, les bugs que Miphos a emportés en 1001 ? Genre, ce seraient eux qui ce sont des enfants qui auraient été capturés à la Nouvelle Guerre. Ça veut dire que Miphos, quand il est passé sur Terre en 1001, il a fait un petit package bug, Voilà, il l'a emmené chez lui, puis à la fin, ça fait des flaques d'eau. Voilà, c'est ça, exactement. Il aurait fait des expériences sur eux, et du coup, de bugs, ce seraient devenus des fragiles. La réponse est non. On peut répondre direct. Non, ce ne sont pas les bugs. Ça l'a semblé fortement alléchant. Si elle en connaît Mifo, il serait bien capable de faire ce genre de choses. Il serait bien capable de faire ce genre de choses. Oh, il a fait bien pire, vous inquiétez pas. Et mais en tout cas, ce ne sont pas les bugs de la Nouvelle York, les fragiles. C'est autre chose. Vous en saurez plus dans Sens Cosmo. Tadam. C'est aussi pour ça qu'on va arrêter ces podcasts, c'est parce qu'on en a marre de faire ce genre non, de réflexion. Non, on ne peut pas vous répondre, mais... Ouais, ou mais tu fais comme tu veux. À force, on va finir par attraper une UMPIT. Une table ronde par mois avec ses joueurs. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? La réponse est oui. C'est une bonne idée. Maintenant, si tu peux parler après les scénars directement, c'est une bonne idée aussi. Tu penses que le débriefing doit avoir lieu tout de suite après le scénario ? Il y a pas besoin d'attendre. Parce que c'est plus frais dans ta tête, mais en même temps, enfin, quand je repense à la façon dont nous on faisait, en fait, on faisait des débriefs tout le temps. On parlait, même quand il n'y avait pas scénar. Mais là, je trouve que l'idée de la table ronde est pas mal. Moi, c'est je rigolo, lui avais dit, s'il peut l'enregistrer et éventuellement nous la passer, on pourrait éventuellement la diffuser sur le blog de la cellule. Bon, je sais pas, ça dépendra aussi de la qualité sonore du truc. Moi, je pense que la table ronde une fois par mois, c'est pas mal, mais ça dépend surtout de tes joueurs. Ouais. C'est vrai que nous, on était plus à parler tout le temps, donc on n'avait pas besoin de table ronde. D'accord. Là, s'ils jouent dans une asso ou quoi que ce soit, ils se voient peut-être pas régulièrement. Ouais, du coup, là, c'est l'occasion, par contre, ouais. C'est bien. Je sais pas comment. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Bobo, non ? Rien à ajouter ? Rien à ajouter, effectivement. D'accord. L'anéantissement. Donc, c'est des questions sur l'anéantissement. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les bugs oublient l'existence de la personne anéantie ? Non. Les bugs sont des joueurs, ils ne peuvent pas oublier la personne. Voilà, exactement. Donc, les bugs... Imagine qu'un joueur ait Alzheimer, quelque part, il oublie. Bah là, il oublie, mais l'anéantissement n'y est pas. Ça n'a rien à voir avec l'anéantissement, ça, Thomas. Donc, les bugs, en tout cas, n'oublient pas. L'existence de leur petit copain anéanti. Justement, ça les fait passer pour des fous. Mais enfin, rappelez-vous de Bidule. Voilà. Qui est Bidule ? Voilà. De quoi vous parlez ? Les immortels, oublient-ils ? La réponse est oui. Eux, ils oublient. Ils oublient, par contre. Si un PNJ entre dans une campagne et devient bug, s'en souvient-il ? La réponse est oui. Oui. Évidemment. À partir de quelle campagne est-ce que je peux refiler Ghost à mes joueurs ? Ça, c'est une autre question. C'est la patate chaude. Alors, qui c'est qui veut la patate ? À partir de... Nous, on l'a fait arriver à partir de Death. À partir de Cosmo. Cosmo ? Ouais. Ah ouais. C'est vrai, Cosmo. Pourquoi pas question de refiler Ghost à un joueur, absolument. Ouais. Et c'est... Est-ce que tu donnes Longfinger à un joueur ? Non. C'est pour moi, Ghost, nous, on a eu dans la table, on a playtesté le fait de le jouer. Aujourd'hui, c'est anecdotique, le fait qu'il soit présent. Et puis, fait de jouer un méchant à la table, bon, ça a provoqué des trucs rigolos, mais si vous voulez vraiment avoir une table soudée, c'est pas une bonne idée. Ouais, hein. Et puis autant inventer son propre méchant à ce moment-là, pas refiler Ghost forcément à un perso qui puisse créer son propre méchant entre guillemets ou son propre Vegeta quoi, le méchant qui devient gentil, etc. Autant qu'il le crée lui-même, pas lui refiler Ghost forcément. Mais de toute façon, un personnage comme Ghost ne serait éventuellement jouable qu'à partir de Cosmo, ça c'est clair et net. Une petite question encore d'Alexis qui fait preuve décidément de perspicacité. La tornade de graveur ne serait-elle pas finalement une larme ? Tintin. Complètement. Ça me semble évident. Ça semble assez évident. Donc voilà, effectivement. Alors, pourquoi forcément la tornade de graveur ? Après tout, est-ce qu'une tornade en elle-même n'est pas une larme ? Alors, puis en plus, c'est pas la tornade. Alors, la tornade de graveur, c'est la tornade du scénario de graveur, mais en fait, c'est pas la larme de graveur, c'est la larme du bug. De Métatron. Ouais, non, Métatron. C'est pas un bug, c'est un quadrille. Hein. Mais oui, effectivement, bien vu le fait que cette tornade puisse être comparée à une larme. Tu as gagné 5 points d'immersion. Voilà, exactement. Bravo. Et si tu pousses ton raisonnement encore plus loin, tu verras que peut-être ta campagne elle-même n'est qu'une larme. Voilà. Donc ça, c'était pour les petites questions présentes sur le forum de Sens. Et puis maintenant, on va passer à notre thème principal. Donc attention, jingle. Le thème principal. Des moyens. Vous comprenez pourquoi on arrête ces podcasts, hein, c'est aussi parce qu'on n'a plus de thunes. Steven Spielberg a refusé, et Luc Besson a refusé de nous donner... ça manquait de voitures de course. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc les runes. Alors on peut commencer tout de suite par la première des runes, celle qui apparaît en premier sur la fiche de personnage. Il s'agit bien sûr de la rune de vie. Qu'est-ce que ça signifie pour un joueur posséder une rune de vie importante et inversement une rune de vie faible ? On n'a pas déjà fait un podcast comme ça ? Ah si, mais il n'a jamais été diffusé. C'était un podcast d'essai. Oh là là, attention. C'est vrai, c'était le premier, il était très mou. Refaire la connerie qu'on avait fait et tout. Ça va être difficile. C'est pas grave parce que Bobo, il a son portable, il peut mettre des sons après. Non, youpi, youpi, pas, matin. Donc, la rune de vie, nous disions. Bah, la rune de vie, c'est okay. Celle qui s'occupe de la vie. Alors, qu'est-ce que ça signifie, posséder une importante rune de vie quand on est un joueur? Bah, ça veut dire que généralement, on est un assez bon vivant ou que la vie est quelque chose qui est important pour nous. Ouais. On souhaite la protéger. En termes de jeu, c'est aussi quelqu'un qui sera plus difficilement malade, qui s'essoufflera moins vite et qui à toucher va être très difficile. D'accord. En termes de combat, si tu as une grande rune de vie, tu pourras esquiver très facilement. Et je te conseille surtout quand tu te bats d'essayer de sauver ta vie ou tes camarades, parce que du coup, si tu as une grande rune de vie, tu auras une très faible rune de mort et du coup, tu ne seras pas très doué pour toucher l'adversaire. Alors, est-ce que la taille de la rune de vie compte? Bah, ça dépend à quel moment. Surtout savoir bien s'en servir. Vie, tu auras peut-être une grande joie de vivre. Bobo, tu voulais ajouter quelque chose sur la rune de vie? Non, non. Et avoir une faible rune de vie, qu'est-ce que ça signifie? Avoir une grande rune de mort, non? Pas forcément. Oui, c'est vrai. Ça signifie... Avoir une faible rune de vie, donc en contrepartie, on tombe plus facilement malade, on s'essouffle plus vite. Et quand on se fait attaquer, bah, on est quasiment sûr de se prendre la boule de feu dans la gueule. Il vaut mieux pas esquiver, quoi. Le plasma, ça fait mal, hein, donc, et tu le sais. Au niveau psychologique, les gens qui ont une rune de vie importante, c'est les gens qui gardent le cap et l'optimisme. C'est des optimistes, des gens considérés comme un peu positifs, quoi, en fait. Oui, mais surtout protecteurs. Protecteur, d'accord, ok. C'est ça. Dire, si on prend le cas de Solipsis, a quand même une rune de vie très forte. Justement. On y arrive. Est-ce que Solipsis est une bonne incarnation pour la rune de vie? Ah bah oui, elle fait tout pour sauver la vie du monde, elle est prête à sacrifier. Même si pour l'instant, depuis le début, c'est plus d'autres gens qui tombent que elle, mais bon. Bah, moi, je pense qu'être prêt à se sacrifier, c'est pas faire preuve de beaucoup de runes de vie. Moi, je suis pas. Enfin, de quoi? Je trouve que pour une rune de vie, bah, Solipsis, bah, c'est peut-être Longfinger qui a déteint, mais je la trouve pas si vie que ça, quoi. Elle esquive, etc. Mais au final, elle envoie quand même pas mal de gens à la mort. Elle esquive, ça va. Tant que Solipsis esquive, tout va bien. Et au final. Officiellement, elle va quand même à la mort. Moi, je trouve pas. Non, à la mort de quoi? À la mort de rien du tout. Alors, le sacrifice, ça représente pas la rune de vie? Non, absolument pas. Bah, attends. Bah non, le sacrifice, c'est la rune de mort. Se sacrifier pour ses potes parce qu'ils sont dans la merde, que tu sais que le seul rempart pour pouvoir les protéger, c'est de donner ta vie. C'est un cas limite. Ça reste du sacrifice. Maintenant, c'est quand même une bonne rune de vie au sens où elle est quand même un peu la mère des bugs, où c'est quelqu'un de vachement calme. Voilà, cet aspect maternel. Moi, je pense surtout ce qui fait que Solipsis est une bonne représentante de la rune de vie, c'est qu'elle met en avant le principe vital. C'est-à-dire qu'elle dit, bon, bah, les bugs, votre but, c'est de faire en sorte que la vie soit heureuse et que la vie des humains se déroule bien. Et finalement, même si pour ça, on doit se mentir, on doit éviter d'avoir une science parfaite, etc., bah, ce qui compte, c'est la vie. Et ça, c'est typiquement, à mon avis, c'est pour ça qu'elle reprend bien la rune de vie. Je pense. Est-ce que, parce que sinon, pour le reste, elle n'est pas très très heureuse dans sa vie, on va dire. Elle couche quand même avec la mort. Ouais, c'est pas. Mais ça, c'est normal, c'est parce que dans le sens, ouais, les opposés s'attirent. Les opposés s'attirent. Puis coucher avec la mort montre à quel point tu es vivant. Bah, je sais pas. Et du coup, est-ce que Phil Longfinger a une grosse envie? Alors, donc. On a dit que c'est pas la taille qui compte. Thomas Fournier serait là, il dirait putain, elle parle encore de cul, mais elle fait chier. Bah oui. Et alors? Donc, la rune de mort maintenant. Qu'est-ce que ça signifie avoir une grosse rune de mort dans le sens? Bah le contraire. Voilà. On ne vous prend pas pour des cons. Hein, non. Ce podcast n'est pas du tout enregistré, genre à 7h du mat, dans un esprit de. De franche camaraderie. Youpi, matin! J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ouais, effectivement, les gens qui vont posséder une grande rune de mort vont être par définition des combattants type. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, de par les règles, ils vont avoir plus de facilité à infliger des dommages. Après, au niveau de la psychologie du personnage, ça va être des gens qui vont être effectivement plus tenté à donner la mort facilement aux autres comme résolution d'un problème de temps en temps, n'est-ce pas, Thomas? Mais regarde pas comme ça, hein, c'est pas de ma faute si les grenades pleuvent sur la Lune. Hein. Ouais, surtout sur la Lune, c'est vachement bien quand il y a plein de civils, pas vrai, Thomas? Oh, attendez, moi pour ma charge, je n'ai que 53 en mort, alors que logiquement, c'est moi le plus bourrin. Pour mais bon. Ta charge. Ah, pour remettre dans le contexte, hein, hier, donc on a fait une partie de mort avec Flavie où sans mort. On devait récupérer un personnage qui avait une petite particularité, c'est que il était gentil. Il était gentil. Ouais, c'est clair. Il représentait un danger potentiel pour les bugs parce que couplé à Cosmo et Rebirth, il était possible de faire repérer les bugs. Il apportait des connaissances à Miphos qui étaient dangereuses pour l'intégrité des bugs. Ouais. Donc on était trois personnes de Death. Hein. La réflexion a été très courte. Hein. D'abord, par décapitation. Ah, Pierre, tu nous as manqué. C'est le seul perso live de la table. Et donc, oui. À partir du moment où il n'était pas là, ben, en fait, la seule façon dont il gérait les conflits, c'est faut tuer. Faut tuer. Bah oui, je vois pas pourquoi. Bah, c'est une solution comme une autre. Hein. La solution par le vide, quoi. Non. Par non, c'est vrai, pourquoi ça c'est néant. C'est par la mort. Voilà, au niveau de la construction de vos scénars, hein, si vous avez une table de personnes avec une rune de Death. Éviter les enquêtes, ça n'a pas passionné les foules. Ça n'allait pas commencer parce que la rune de mort, c'est pas non plus qu'une rune combattante. Non. C'est une rune. Les gens qui ont une forte rune de death, c'est les gens assez moroses qui vivent beaucoup dans le passé, qui n'arrêtent pas donc de se rappeler des souvenirs, qui ne vivent vraiment que dans cette époque. Ils ont tendance à être pas mal malades d'ailleurs, à avoir des maladies incurables. Ça, c'est plutôt la faiblesse de leur rune de vie peut-être. Ouais. Mais en tout cas, la rune de mort, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce sens, les runes se. Ce sont des éléments que possèdent les objets du monde. Un objet qui va mourir, donc qui a la propriété de pouvoir mourir, va avoir une rune de mort. Ou un objet mort est un objet qui possède une rune de mort. De la même manière, un objet qui est vivant possède une rune de vie. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, la rune de mort permet aussi qu'il y ait des fantômes, par exemple, dans ce sens. On peut trouver du fantastique à ce niveau-là. On peut se trouver face à un spectre qui aura une rune de mort importante. Donc, la rune de mort, c'est pas uniquement la capacité à taper. Les objets aussi ont une rune de mort. Les objets peuvent avoir une rune de mort. Les cigarettes, par exemple, peuvent avoir. Le pistolet, les. Et les un armes. Robot. Parce qu'elle accélère la mort. Un robot est-il une rune de mort? Ben, un robot, ça dépend. Son intention. Ça dépend, en fait. Et il ne peut pas mourir, mais il peut donner la mort. Donc, en ce sens-là, il peut avoir une rune de mort. Mais il peut être détruit. C'est très, très compliqué parce que les runes dépendent de. Oui, mais la destruction pour un robot, ce n'est pas la mort. Ouais, c'est vrai, c'est le néant. Donc, peut-être le néant, ouais, je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, les runes dépendent de l'interprétation qu'on en donne et qu'en donne le maître de jeu et les joueurs. Donc, par exemple, moi, je prends un exemple typique, truc vie-mort, là, la relation entre les deux runes. Imaginons, je pousse un adversaire dans le vide pour sauver mes amis. A priori, je suis en train de tuer quelqu'un, mais est-ce que je le fais pour protéger mes amis, auquel cas c'est la rune de vie qu'on va regarder pour savoir si l'action est réussie, ou est-ce que je le fais pour tuer mon adversaire, auquel cas c'est la rune de mort qu'on va regarder. Ouais, mais quelque part, est-ce que ton attention aussi en tant que joueur n'était pas de faire dire je vais tuer cette personne pour sauver mes amis, parce que je sais que ma rune de vie est plus forte, mais quelque part je voulais juste le tuer. Oui, mais si en tant que joueur tu fais ce raisonnement-là de réussir une action en réfléchissant de la sorte, en disant bah non. Moi, ma rune de vie est la plus élevée, donc je vais faire l'action de telle manière à ce que ça passe pour quelque chose de vie. Bah, c'est bien, tu joues le jeu de sens à fond, c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, moi, je vais donner un petit conseil de jeu, mais parce que c'est un truc qu'on a fait avec Agonis, parce qu'Agonis, il avait une grande rune de mort et moi, j'avais une grande rune de vie. Ouais. Puis bon, l'histoire de nos personnages faisait que. On avait fait un duo, notamment dans Cosmo, où en gros, moi, pendant les combats, je défendais Agonis. Donc je nous défendais, donc j'utilisais que ma rune de vie. Donc lui, il avait juste besoin d'attaquer, il utilisait la rune de mort. Et du coup, on avait un duo méga complémentaire, ouais, où voilà, en gros, on avait nos deux runes à fond pour combattre, donc on se faisait pas toucher, et en plus, il touchait à mort. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marcherait pas, parce que tu dois préciser qui tu attaques et qui doit défendre. Ouais, mais si tu défends toujours la même, c'est quand même... Je rappelle quand même qu'à l'époque où tu parles, on jouait au D12, et que... Non, mais on l'a fait aussi quand on a testé KO, et là, on jouait avec le nouveau système, et ça marchait, hein. Oui, d'accord, ok. Bon, ça marchait même beaucoup mieux parce que du coup, je le défendais et je me défendais. Après, voilà, si vous trouvez ça cohérent et fun, ce genre d'alliance entre deux, entre deux personnages, voilà, c'est, il faut le faire. Moi, je me souviens que dans nos scénars, c'est ce qui se passait. C'est bon, ce peut-être aussi parce que j'étais quadrilla. Ouais. C'est que effectivement, je défendais les autres avec mes pouvoirs d'ombre énergie pendant que les autres blastaient. Hein. Hmm. Alors, Fenomfinger est-il un bon représentant de la rune de mort? Oui. Pourquoi? Bah parce que c'est un bon représentant de la rune de mort. Bah c'est si. Quelqu'un qui tue pas mal, qui est quand même hyper morose, qui vit dans le passé. Mm-hmm. La seule petite lueur d'espoir qu'il a dans la vie, bah c'est Solipsis. Et c'est quelqu'un qui n'apprécie que les gens qui sont un peu comme lui, donc pas forcément hyper fun. Et même s'il essaie de faire un petit peu des efforts, ses blagues sont généralement de très mauvais goût. Et il est atteint de sinistrose aiguë. Quoi. Grave. Moi, je dis qu'il y a un truc qui correspond bien aussi au fait qu'il ait une forte rune de mort, c'est que c'est quand même un mort-vivant, Fenomfinger. Ouais, c'est vrai. Il est mort. Il y a de ça quand il était petit, tué par Classis. Et voilà quoi. C'est donc oui, c'est un bon représentant de la rune de mort aussi pour ça quoi. Ça joue quoi. C'est un mort-vivant. Ça, je sais pas si beaucoup le savent. En fait, si beaucoup s'en sont aperçus que Fenomfinger était un mort-vivant. Si tous les gens qui ont lu la base l'ont pas vu, c'est qu'ils ont zappé quelque part. Voilà. Non, mais je sais pas. Il m'arrive encore de voir que. Ben bon, voilà. Et puis en plus, bon, c'est quand même la première rune à mourir dans l'histoire. C'est le perso et dès le début, il est mort. Voilà. Donc bon, bah, la couleur il est meurt annoncée. Plusieurs fois, quoi. Moi, je dis quand même que Fenomfinger serait une meilleure rune s'il n'y avait pas Solipsis. Pourquoi tu dis ça? Parce que là, on sent qu'il serait frais, enfin qu'il se freine un peu, tu vois, parce que tu butes des innocents, tout de suite il vient te faire la morale. Il veut être gentil. Alors que si Solipsis n'était pas là, il s'en foutrait, il féliciterait. Tata Solipsis s'est dit, va lui faire la morale, d'accord. C'est pas bien de tuer les gens, tu l'as très bien fait, mais c'est pas bien. D'ailleurs, on voit bien que dès que Solipsis disparaît, la mort, entre guillemets, reprend le dessus, et là, il redevient le démon qui vaut mieux enfermer. Le mot je t'accepte arrive de plus en plus souvent. Voilà, c'est ça, je t'accepte. Donc, moi, je trouve que c'est probablement une des incarnations, en tout cas, c'est une incarnation qui est plus cohérente vis-à-vis de la mort que ne l'est Solipsis. Comme vous l'avez dit, Solipsis. Par rapport en tant que représentante de la vie, elle a aussi pas mal de cosmo parce qu'on sent que c'est une scientifique. Ah, mais de toute façon. Par le côté maternel et tout. Elle a beau représenter la rune de la vie, quelque part, ça reste un être humain, entre guillemets, composé de différentes runes. Elle n'est pas faite que de vie. Ouais, alors que. Ouais, Fenomfinger, oui. Bah, Fenomfinger n'est pas fait que de vie non plus. Il est fait aussi de chaos, mais. C'est aussi pour ça qu'ils auront Wilfried. Mais. Fenomfinger, il a pas. Alors là, moi, je vois pas de chaos dans Fenomfinger. Ah si, pour la rapidité, pour tout ça. Ah oui, mais tu veux dire pour la baston. Voilà, mais il a quasiment pas de cosmo. Tu lui parles, tu utilises des mots compliqués. Non, pour moi, Fenomfinger, il a quasiment rien à part la mort. Quand tu vois, peut-être un petit peu de vie. Mais quand tu vois, par exemple, justement, il a pas de chaos, quoi. Il restera pendant toute la série, il restera jusqu'au bout du bout avec Solipsis. Il trahira pas. Il est à aucun moment il opère un changement ou une révolution. Il est toujours droit dans ses bottes. Pour moi, c'est pas du tout un personnage, en tout cas, chaos, quoi. Moi, je le verrais plutôt, peut-être même plus finalement en cosmo, parce que il a quand même été stratège. Il a été militaire. Ouais, stratège, il s'est juste compté. Il sait que s'il y a 2000 hommes en face, oui, si on en voit 10 000, il est obligé de gagner. Le respect de la hiérarchie et tout ça, il est quand même attaché. Je vois pas en quoi c'est. Ouais, mais maintenant, c'est stratégie. C'est bon, allez les gars, on va bourrer dans le tas. La manière dont vous l'avez interprété. Enfin non, moi je l'avais interprété à votre table, mais je l'ai interprété d'une toute autre manière, par exemple à la table de Saint-Malo, où parfois il a même été intelligent. Alors c'est vrai. Oh la vache. C'est comme quoi ça, c'est des choses qui arrivent. J'ai toujours vu Fenomfinger. Le jour où je joue à God of War, pour moi Kratos, Fenomfinger, c'est pareil. Quoi. Ouais. Tu verras. Le mec est là juste pour blaster. Le boucher Malakir dans Magic. Si vous connaissez Magic, le boucher de Malakir, c'est Fenomfinger. La suite. La rune de Cosmo. La rune de Cosmo. Alors là. Cosmo. On se tourne tous vers Cosmo. Qu'est-ce qu'elle symbolise, qu'est-ce que ça veut dire avoir une forte rune de Cosmo, etc. C'est une bonne rune. La rune du savoir, la rune de l'ordre. La rune du savoir, de l'ordre, la lumière. Scientifique. De ceux qui se posent des questions sur l'origine de tout. Pour moi, c'est des gens qui sont très portés vers, sur l'introspection. D'accord. Je vois des gens qui questionnent autant le monde qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, gens qui recherchent la connaissance de soi et du monde. La rune de Cosmo, c'est pas la rune du questionnement. C'est vraiment la rune du savoir, parce que s'ils posent des questions, c'est parce que leur but, c'est vraiment de savoir. C'est pas simplement d'aller rechercher, c'est d'acquérir la connaissance. Est-ce qu'il faut bien aller la chercher par un processus de questionnement? Oui, ouais. Non, parce que je veux dire ça. La question n'est pas un but, c'est un outil. Le but, c'est la réponse. Tu veux dire que les cosmos, c'est des dogmatiques plus que des chercheurs? Moi, voilà. Pour moi, c'est des chercheurs. Moi, la façon dont je vois Cosmos, c'est vraiment la recherche, c'est pas vraiment leur intérêt, c'est vraiment d'avoir la réponse. Ouais, mais c'est la réponse, mais ils n'ont pas le choix de rechercher. Intéressante, parce qu'ils veulent. Et du coup, toi, comment tu le jouais, la rune de Cosmo, Bobo? Comment ça joue, en fait, en termes de personnalité, etc.? Ouais, parce que toi, tu avais une forte rune de Cosmo dans les parties, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu as décidé de l'interpréter, ton gros Cosmo, quoi? Au début, c'est pas vraiment un... Je pense pas que ce soit un choix d'interprétation. Je voulais faire un scientifique, donc forcément, la rune de Cosmo est importante. Je vois pas une façon particulière d'interpréter le Cosmo. Tu conseillerais vraiment. Pas ouais, toi, tes runes n'ont pas servi à jouer ton personnage. Ça, c'est un aspect des runes que Bobo a toujours défendu en off ou dans les podcasts, de dire attention, les runes ne déterminent pas la manière dont vous allez jouer. Je me souviens, c'était dans le deuxième podcast même, je peux te le dire, c'était par rapport aux fiches la fiche de personnage. À un moment donné, on passe en revue les différentes runes, et là, à ce moment-là, Bobo, tu dis attention, c'est pas parce que vous avez une grosse rune de Cosmo que vous êtes forcément un maniaque super rangé, etc. Prends par exemple quelqu'un comme Richard, c'est un physicien, et pourtant c'est le bordel chez lui, et voilà. C'est pas parce qu'on a une rune de Cosmo qu'on est forcément obligé de jouer tous les aspects de Cosmo, et donc du coup ça n'oriente pas forcément le jeu. Mais toi, Bobo, clairement, t'as toujours eu une attache dans le sens à la rune de Cosmo particulière, même à son incarnation personnelle qui est Miphos Kadria. Il y a un truc avec cette rune, quoi. T'as toujours aimé ça en tant que joueur. Ouais. L'idée du personnage, c'était de combattre Miphos avec les mêmes outils pour lui dire, j'arrive à une conclusion différente. Tu as tort. Je rappelle qu'on parle du personnage de Nathaniel. Les auditeurs. Donc voilà, jouant avec les mêmes armes que Miphos, donc forcément t'as une forte rune de Cosmo. Ouais. Oh putain, merde, j'ai perdu le fil de mes pensées. Tu vois, je suis passé KO là. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une forte rune de Cosmo? Pour moi, c'est calculateur, logique. Pas forcément quelqu'un de froid, mais quelqu'un d'impassible. Non, ça serait plutôt de néant, ça. Moi, j'ai tendance à le Cosmo et le néant à les fusionner. Je vois très bien le Cosmo aller avec le néant, parce que le calcul, ça présuppose de pas se laisser influencer par le monde extérieur pour pouvoir rester concentré sur son calcul. Mais en tout cas, ouais, c'est des scientifiques qui organisent le monde, qui aiment bien que ce soit organisé. Thomas. Je veux dire, je pense que les gens qui représentent le Cosmo, en tout cas surtout avec la présence de Nathaniel, c'est quelqu'un qui essaie toujours de passer dans ton dos pour te planter des poignards. Et ça, ça m'a caractérisé Cosmo, quoi. Ah, ce qui est fou, c'est qu'à notre table, le plus Cosmo, en fait, c'est... Bah, le vrai souci, c'est que le méchant qu'on combat, c'est le Cosmo. Ouais. Donc si à ta table, t'as quelqu'un qui est très Cosmo, c'est quelqu'un quand même qui va se poser la question de savoir s'il est proche ou pas de Miphos. Ouais, t'as cette épée Damoclès tout le temps de se dire, est-ce que je vais... C'est généralement les persos borderline. Qui peuvent l'être, ouais, qui se posent la question de est-ce que mine de rien, je vais pas devenir comme lui, est-ce que je... Alors que je suis son adversaire, je vais pas au fur et à mesure de ma progression me dire... Il y a quelque chose, il touche quelque chose du loin. Moi, je vois difficilement comment, si tu aimes les recherches scientifiques, si tu aimes rechercher des choses, je vois difficilement comment tu peux éviter de tomber dans le piège de Miphos, ou en tout cas de devenir comme lui. C'est-à-dire que Miphos t'apporte des connaissances sur le monde sans mensonge. Il y a à aucun moment, justement, il ment ou quoi que ce soit. Miphos est toujours honnête. Et... Mais c'est la différence entre les êtres humains et Miphos. C'est-à-dire que tu peux être Cosmo, mais tu auras autre chose à côté. C'est-à-dire que tu auras ne serait-ce que tes amis, ta rune de vie ou des choses comme ça qui vont t'empêcher de tomber. Donc se pose la question de savoir jusqu'à quel point tu ressembles à Miphos, mais au final, normalement, tu ne lui ressembles pas. Ou alors tu prends sa place. Parce que ce qu'il faut bien dire à propos de Miphos, c'est qu'il est devenu tellement froid, en fait, enfin plutôt tellement calculateur avec le temps, il comprend tellement bien le monde et l'univers qui l'entoure, qu'il n'est même plus attaché au contenu de cet univers. Il ne voit que sa structure, sa logique. Mais du coup, est-ce qu'il le comprend vraiment ? Enfin, tu vois ? Bah, parce que du coup, il comprend l'univers, quoi. Ouais, mais justement, je suis pas d'accord, parce que Dieu, s'il a créé les sentiments et l'émotion, c'est que peut-être il en ressent, tandis que Miphos, il en ressent plus. Miphos, c'est une création imparfaite. C'est faux, il en ressent pour Wilfried, et il le montre. Il bah, même si à plusieurs reprises il essaye de les cacher ou de se convaincre. Pour moi, par exemple, tous les speeches qu'il fait dans Sens Mort, c'est les seuls sentiments qu'il a sur les êtres humains, etc. Il est devenu complètement, enfin, il est loin, quoi, de ça. Ouais, il est loin. Ouais. Moi, je pense. Je pense que le monde dans lequel vit Miphos n'est qu'un simple outil pour son propre but. Hein. En fait, il acquiert une connaissance qui fait que bah, c'est bon, je sais tout sur l'humanité. Je m'en intéresse plus. Moi, mon but, c'est de faire, je sais pas moi, de faire un cake. Bah, je n'ai pas besoin de l'humanité pour faire un cake. J'aime les cakes. En tout cas, si pour se donner une bonne image du personnage de Mifo, je pense qu'un bon conseil, c'est de regarder Watchmen, Manhattan, quoi. Ah, bah, on l'a dit quand c'était déjà le bon exemple pour les quadrillards. Ouais. Attention, il faut faire un mélange. Hein. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est qu'il a aussi, il y a aussi cette logique de prise de recul tellement grand sur le monde. Il comprend tellement comment fonctionne l'univers qu'il en perd le savoir humain, en fait, la connaissance humaine, le sentiment humain, en fait, vis-à-vis de lui. Je ne sais pas, Miphos, moi je dis, vous prenez n'importe quel grand méchant complètement taré de n'importe quel film de super-héros, ça passe tout à fait. Hein. Le mec justement qui en fait il a un but, tout le reste à côté il s'en fout. Ouais je sais pas, ouais peut-être. Comme disait Fly, c'est là que Solipsis devient une bonne barrière pour les personnages qui tombent trop sur le cosmos et te dire au final qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir ce genre de réponse. Regarde, tu prenais l'exemple de Watchmen avec Manhattan, qui est effectivement très froid, qui est détaché de plus en plus de tout. À la fin il dit quand même j'ai peut-être créé la vie. Non, c'est clair. C'est tout le duel entre Miphos et Solipsis. C'est que Solipsis dit bah, les connaissances suprêmes, etc. Regardez ce qu'elles ont fait de Miphos. Regardez ce que ça. Est-ce que ça lui apporte le bonheur? Toi, Nathaniel, qui cherche maintenant à ressusciter Maria, est-ce que tu penses que les connaissances que Miphos va te donner te permettront d'atteindre ce but et te permettront surtout d'être heureux, en fait? C'est ça la question, quoi. Il y en a un qui recherche le savoir à tout prix et l'autre qui essaye de plutôt d'être orienté vers le principe vitaliste de pas forcément de bonheur, mais parce que Fabien Edvine serait là, il me gueulerait dessus en disant que la vie c'est pas forcément le bonheur, bien sûr, mais c'est en tout cas créer des relations. Vivre, c'est plus important que de comprendre l'univers. Ne perdez pas votre vie à comprendre forcément ce qui vous entoure et à devenir une machine. Mais en Miphos, ou à voir le monde comme une machine. En Miphos, moi je verrais un peu dans Escaflowne. Ouais. Le méchant d'Escaflowne. Complètement. Un Dunkirk, quoi. Ouais. Dunkirk, c'est Descartes. Pour moi, c'est Descartes. Quand tu regardes, par exemple, dans Escaflowne, tous les passages où Dunkirk est sur Terre, on voit la gueule qu'il a et le laboratoire dans lequel il travaille, on s'aperçoit à ce moment-là que c'est René Descartes, le personnage de René Descartes. Dunkirk, Descartes. T'as vu une passe de JDR pour dire ça? Hein? De quoi? Bah, Descartes, il pas des jeux de rôle. Ouais, si, aussi, dans le temps. Non, mais. Tout se recoupe. Et donc, je sais pas alors comment les Japonais ont interprété la théorie de Descartes pour en faire un personnage froid et déterministe comme ça, mais. Ils ont trouvé une base de sens. Mais voilà, c'est assez étrange ce rapport en tout cas entre Dunkirk et la théorie froide, déterministe, calculatrice. C'est assez étrange. Mais en tout cas, ouais, là-dessus, Escaflowne a géré, quoi. Ils ont créé un bon méchant et je m'en suis largement inspiré. Encore une fois, le podcast numéro 3 sur les inspirations vous en dit plus à ce sujet. Alors, donc, est-ce que Miphos est un bon représentant de la ruine de Cosmo? Oui. Moi, je pense le meilleur. Probablement. C'est ton perso préféré en même temps. Non, mais même en dehors de ça, je pense que c'est probablement l'incarnation qui est la plus cohérente avec la ruine qu'il représente. Je pense. Encore arrivé à la ruine de Néant. Ouais, pas trop. La ruine de chaos. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un chaos élevé? Alors, Flavie, on va te laisser faire un monologue. Will, Fred. Ben, chaos, avoir du chaos élevé, ben, c'est déjà être bordélique. Enfin, si on décide de le jouer comme ça, parce que, comme une fois encore, c'est, comme disait Bobo, c'est pas forcé si on a une ruine de chaos élevée qu'on soit bordélique. Mm-hmm. Mais généralement, on sera bordélique, on aura tendance à changer d'avis, à s'éparpiller un petit peu, à démarrer plein de projets à la fois. On aura aussi tendance à être fin connaisseur de l'âme humaine, d'en connaître un peu les méandres. Savoir comment les gens vont un peu réagir, genre sciences humaines, quoi. Pour moi, la ruine de chaos, en fait, c'est le changement. Le talent, ouais, le changement, la révolution, évidemment, l'évolution. Mais c'est le savoir changer une suite naturelle. 1, 2, 3, 6, 9. Tu vois ce que je veux dire ? L'idée, c'est de... Enfin non, tu vois, 1, 2, 3, 6, 9. J'ai dit, j'ai fait une suite qui est à peu près logique. Moi, j'y arrive pas. Mais c'est la capacité... 1, 2, 3, 7, 49, 7. Ah, ouais, voilà, logique, ouais, enfin, 7, ouais. 49, 7, c'est ouais, 7 fois 7, 49, c'est encore un peu... Mais en gros, par exemple, Richard me disait un truc de ouf. Il me disait que les ordinateurs gagnaient à Shifumi contre les humains parce que les humains ne sont pas assez aléatoires. Et oui, il y a d'ailleurs un super site mais où on peut se battre contre une machine. Il y a une différence entre être aléatoire et être chaotique. Mais moi, non. Être aléatoire, c'est logique, en fait, d'être aléatoire. Parce que pour être aléatoire, il faut supprimer plein de choses. Et au final, tu arrives à gérer l'aléatoire. Justement, pour moi, l'aléatoire, c'est typiquement ce qui n'est pas logique. Bah, en fait, le chaos peut être très droit. Et à certains moments, il va faire des choses différentes, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'art de faire d'une suite. Il y avait une suite logique et le chaos va systématiquement, ou pas systématiquement, justement, peut-être qu'il va la suivre, mais peut-être qu'il ne va pas la suivre. Et c'est pour ça, parce que si tu es juste aléatoire, dans ces cas-là, tu es prévisible, parce qu'on sait que tu feras toujours des choses qui ne vont pas... C'est quelqu'un de totalement aléatoire et totalement imprévisible. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que la preuve, les ordinateurs peuvent le faire. Et l'aléatoire sur les ordinateurs, il est mauvais, justement. Parce que ça reste un programme. Moi, je pense que le vrai aléatoire, c'est des fois de faire des choses qui étaient prévues et d'autres fois pas prévues. Et de corrompre les suites logiques. Exactement. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans cette rune. C'est, moi, en tout cas, c'est celle qui est le moins naturelle pour moi. Moi, j'ai jamais eu un des personnages avec un gros score en chaos. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à jouer ce genre de choses. Moi, j'ai toujours le cosmo à fond. Toujours la suite logique. Moi, les choses, il faut qu'elles soient cohérentes. Tandis que moi, il faut absolument que j'ai une rune de chaos parce que, étant chaotique, je suis incapable de jouer quelqu'un de cosmo. Ouais, voilà. Ouais. Toi, par contre, tes personnages explosent toujours le plafond en termes de chaos. Quoi. Encore une fois, le cadran nous prouve sa puissance. Bah, en tout cas, il prouve. On voit bien que les opposés s'attirent. Ouais, non, c'est vrai. Bobo, tu es de Death, je crois. Oh là là là là. Non mais bon, en tout cas, alors Wilfried, du coup, pour toi, est-ce que c'est une bonne représentation ? Est-ce que c'est un bon représentant du chaos ? Alors, je veux juste revenir sur une chose, Thomas, avant qu'on passe. Il faut savoir que la rune de chaos permet donc de définir les points de santé mentale. Non. N'écoutez pas Thomas. Alors là, bravo. Bravo Thomas pour cette référence. Je sais pas si les auditeurs les plus fans du blog de la cellule ont remarqué cette référence, mais je pense que vraiment, bravo. Bravo, Thomas. Merci, bravo. Merci. Vraiment une réflexion très intéressante, Thomas. Donc, alors, Wilfried, la façon dont tu le jouais, moi, je la trouve pas très bien faite. Non, mais moi, je suis nul. Hein. Donc, il y a certains trucs qui sont bien faits dans ce que tu faisais sur Wilfried, mais Wilfried, tu le faisais soit vie, soit autre chose. Enfin, pour moi, tu le faisais pas KO, quoi. Pour moi, en fait, je le faisais comme fils de Solipsis et de Finonfinger plus que comme rune de KO. Ouais. Alors, comment est-ce que tu verrais dans un sens flaviesque, comment est-ce que tu verrais un Wilfried ? Alors, moi, j'avais réfléchi à plusieurs choses. L'une des choses à laquelle j'avais réfléchi, c'est de déterminer ses réactions avec un dé. Oh, c'est nul. Donc moi j'avais quoi que t'allais dire, j'avais prévu que parce que moi je suis Cosmo, j'avais prévu, c'est comme ça. Donc il y avait ça qui était possible. Maintenant, c'est un maître de jeu comme toi qui a du mal à gérer ça, c'était faisable. L'idée est pas mal, hein. Avec des dés ou des cartes. Sinon, moi comme je le joue, je joue des entre cartes. Guillemets ma personnalité. Ah oui, bah oui, toi, t'as pas de difficulté à jouer Wilfried. Donc, c'est sûr, hein. Moi, en fait, il a des réactions extrêmes. Wilfried porte un casque et des genouillères, parce qu'on a dit de tomber souvent. Oui. Oui, mais il se relève. Donc, c'est quelqu'un qui peut être maladroit, qui peut être d'un côté, à un moment, il va être hyper content, et puis l'instant d'après, il va se dire « Oh non, c'était une mauvaise idée ». C'est quelqu'un qui est un peu toujours sur la brèche, même émotionnellement. D'accord. Bah, il est... Wilfried sur la brèche, mais il doit mourir. Heureusement qu'il est mortel quand même, hein, parce qu'il doit tomber souvent dans le trou. Oui, mais c'est pas grave, il se relève. Il a le syndrome ravin comme Seyar. Le running gag. Mais oui, moi je le joue du coup. Comme ça, toujours un petit peu borderline. Est-ce que la poésie te semble être. Oui, très importante pour lui. Et justement, est-ce que tu penses que le. Enfin, pour moi. Wilfried, c'est un personnage qui se rapproche vachement de Mathieu Gaborit, enfin des œuvres de Mathieu Gaborit. Il a un côté agonesque. Moi, je l'aurais vu plus comme les œuvres de Rimbaud. Voilà, oui, mais moi, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment, c'est pas... vraiment tu lis une saison en enfer. Ouais. Et t'as la personnalité de Wilfried. C'est quoi. À ça que je pensais. À certains moments, il est extrêmement extatique. À d'autres moments, il est dans le creux. Tu trouves pas que les œuvres de Mathieu Gaborit avec les muses et tout se rapprochent justement de la poésie maudite? Bah non. Fond. C'est juste que c'est... Non, je suis pas du tout d'accord. Ah, okay. C'est quelque chose qui est poétique, oui, mais ça a rien à voir avec... Enfin, évidemment, il y a toujours une poésie qui peut ressembler à ce qu'a fait Mathieu Gaborit parce que c'est très poétique ce qu'il a fait. Mais au final, c'est plus une explication du monde. Plutôt c'est Cosmo, alors... en fait. Ouais. C'est l'art vu par le Cosmo. Bah, c'est... De toute façon, Mathieu Gaborit, c'est un des plus grands créateurs d'univers fantastique. Enfin, c'est quelqu'un qui arrive à créer des univers qui sont complètement, qui vont pas avoir d'exception. Moi, je trouve ça poétique, ce qu'il fait. C'est poétique, mais il a pas... Parce que tu connais Cagone. Il a fait plein d'autres... Crime, c'était pas... Enfin... Et Crime, c'est plus scientifique. Enfin, il y a le côté d'accord, imagination ouais. Et tout. Okay. Mais il a fait, par exemple, les Féales. Il a fait... Ça reste très joli, très poétique. Mais c'est pas au sens poétique Rimbaud ou Verlaine ou ce genre de choses. C'est métaphorique, on va dire. Plus que poétique pour Mathieu Gaborit. Et que la poésie, c'est vraiment autre chose. T'as un truc qui va te faire rentrer dans les méandres de l'âme humaine, qui va te faire ressentir les hauts et les bas de c'est le spleen vraiment pour moi Wilfried Anschaus. D'accord, ok, tu vois comme ça. Mais non mais c'est le spleen de Baudelaire. À un certain moment il va être trop Angélique. Content, il a fait la fête et puis ensuite il va être au creux de la vague quoi. Bobo, je suis le spleen, tire sur mon doigt. D'accord. Ok, je sentais bien qu'il y avait une connerie qui arrivait. Quand j'ai vu Bobo prendre son micro lentement, je me suis dit, il va dire une belle connerie. Ah, t'es pas trop loin, elle va arriver, t'inquiète pas. Donc moi, bah ouais, non, Wilfried, moi je sais pas, en tant qu'auteur... Pareil, Wilfried, moi j'ai résolu le souci. Je pense que vous lisez les bouquins de Rimbaud. T'as résolu le souci, c'est-à-dire... Ah ouais, je me suis penché là-dessus pour ma chronique, la façon de me réapproprier les runes et bah ouais, je suis très Cosmo, donc j'avais du mal avec Wilfried et j'ai résolu. Il n'existe plus. Il est mort. Ouais. Vous commencez. Oh Dieu, grand Dieu, c'est mon perso préféré. Tu peux pas le tuer. Je jouerai pas à ta chronique. C'est nul. Je jouerai pas à ta chronique s'il est pas là. C'est mon perso préféré. Ah non mais il est mort. Donc Soldevan, tu auras compris que ce podcast était entièrement dédié puisque c'est toi qui a proposé de faire quelle rune préférez-vous. Et là, je crois que ça va partir en pugilat. Non, Mifos rules quoi. Enfin, c'est Lucas. C'est clair. Là, regarde, je l'ai pas tué dans ma chronique parce que sinon il y a pas de scénar. Vous n'êtes pas là, mais Mifos, je lance actuellement des yeux du courroux. Mifos, tu le crèves au début du scénar, il n'y a plus de sens. Alors que Wilfried, tu le crèves, on s'en fout. Quoi. Tout le monde s'en branle. Il y a encore 6 bouquins quand même. Hein. Putain, mais c'est pas vrai. C'est celui qui apporte un peu de poésie dans le monde que tu as créé. Quoi. C'est celui qui apporte un petit peu toutes les mérites que tu peux pas avoir. Pas de poésie, on est des militaires. Putain, merde. C'est clair. Bon, bah, dans ma chronique à moi qui est très poétique et qui a toujours un. Okay, d'accord, voilà, et ben, métaphorique, blablabla, et ben, c'est un des persos les plus importants. Mais beaucoup de joueurs, ce qui est assez marrant, c'est que, assez paradoxalement, moi en tant qu'auteur, vraiment, Wilfried, j'avais pas trop d'attache à ce personnage, mais beaucoup de joueurs, c'est factuel, si tu lis les rapports de partie qui sont postés, tu t'aperçois que beaucoup de joueurs s'y attachent très rapidement. C'est le personnage, Thomas, tu confirmes? Ouais, moi j'ai dans les quelques tables que j'ai fait à chaque fois, Wilfried, c'est le personnage que tous les joueurs, il y a au moins une personne à une table qui s'accroche à ce personnage-là. Mais pour moi, Wilfried, c'est comme Sasuke, c'est-à-dire que quand il arrive, très mystérieux, en plus sa capacité, moi je disais toujours sa capacité autour des livres, Sasuke des poèmes. Naruto. Donc voilà, Sasuke de Naruto. C'est-à-dire qu'au départ, tu l'accroches vraiment, et puis quand tu le connais, en fait, c'est qu'une pauvre merde, quoi. Je suis pas d'accord. Des poètes. D'ailleurs, c'est pour ça que même si le créateur n'est pas d'accord, j'ai créé des quadrillas de chaos. Oh là là, ça y est. Oh là là. Exprès. Faire chier avec ça. Parce que je trouvais que c'était important. Les quadrillas de chaos qui peuvent ranimer, qui se protègent avec le chaos, hein. Tricheurs, c'est les tricheurs. Pourquoi pas Baudelaire avec une sulfateuse? On vous l'aurait compris. Mais non, ils n'ont pas besoin de sulfateuse pour combattre, voilà. C'est des chaotiques. Ils ont juste besoin de t'éviter, d'arriver et de te toucher à l'endroit le plus désespéré de ton corps. Je pense que ça vaut pas le coup de s'éterniser sur le sujet. On va passer tout de suite à une autre rune. Ah non, on est mauvais, vous aurez compris que c'est votre cas d'assez nul. Et je suis la seule à aimer Wilfried. En fait, on est en train de se réveiller de là. Ça y est, là, le petit déjeuner est passé. C'est trop facile de les vaincre, les personnages qui sont chaotiques. Tu fous Mifos au-dessus d'un escalier et c'est fini. Ils n'arrivent pas. Tu m'expliques pourquoi ? Parce que tu tombes dans les escaliers, t'es très KO. Ouais, ouais, ouais. Ah, faut oui, savoir, Flavie tombe. Je tombe, mais je fais aussi tomber beaucoup de choses. Des avantages ravins. C'est le running gag de Flavie. Enfin, c'est le falling gag. Le falling gag. Oui, mais voyez le bon côté des choses. Quand c'est calme à la barre, bah, vous entendez toujours quelque chose de tomber, quelque voilà. chose qui tombe, et c'est moi. Tout à fait. Tout comme à fait. Ça, ça vous réveille. Mais tu vois, finalement, t'es assez régulière parce que tu tombes tout le temps. Généralement, on est réveillé avant que tu tombes. Oui, c'est vrai. Alors, donc, après ces détails croustillants sur la vie personnelle de Flavie. Avant même qu'on passe à une autre, lisez la théorie d'Austin, créez des quadrillades de chaos, vous verrez, ça contredit. Vite, allez-y. Vous entendez ce silence ? Écoutez, c'est pour faire la coupure au montage. Contrecarrescence, créez des quadrillades de chaos. Non, non, non. Alors, donc... Putain, c'est moi qui fais ça, qui suis censé faire tomber des choses, mais c'est toi qui as cassé la statue. Athéna, hein. Tombé à la renverse. Merde, merde. Bon, alors, on continue tout de suite, on enchaîne avec Jingle. La rune de création. La rune de création. Mesdames, messieurs, madame, monsieur, messieurs. La rune de création, donc... La rune de création, donc c'est la rune la plus présente chez les inventeurs. D'accord. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci avait une putain de rune de création. Création à fond. Quoi. À fond, hein. Création Cosmo. Création Cosmo, peut-être Cosmo. Ouais. Je dirais création. Création imagination. Voilà. C'est pas une rune, mais. Imagination. Ouais. Ouais. Voilà. Non, c'est effectivement, c'est les gens qui sont capables, en fait, avec leur, à partir de leur imaginaire, de rendre réelles les choses. Ils imaginent quelque chose et automatiquement, au bout d'un moment, ils vont réaliser l'objet. Mmh. Il y a une particularité qui existe chez l'être humain qui est la synesthésie. D'accord. C'est des personnes qui, en fait, ont des images dans leur tête, ne savent pas exactement ce que c'est, ils arrivent à créer une machine et une fois la machine créée, ils vont apprendre à savoir qu'est-ce que ça sert. Il y avait en très connu, il y avait, comment il s'appelait un russe qui a fait beaucoup de recherches autour de l'électricité. Les tourelles dans Alerte Rouge. Je sais pas. Tesla, voilà. Tesla était quelqu'un... Il était croate. Oh, c'est pareil. Un scientifique dont on dit tout et n'importe quoi. Il avait bolchevique. Un accent. Il a été connu pour ça. C'était quelqu'un qui était capable, effectivement, qui avait plein d'images dans la tête, de machines, de plans. Il ne savait pas exactement ce que c'était, donc il construisait la machine, et à partir de là, il allait faire les expériences pour savoir quelle va être son utilité. Il y a aussi Emmett Brown, d'inventaires. On dira. Voilà, en tombant sur une cuvette des toilettes, voilà, et capable de créer une machine. Il a l'image du vecteur temporel, voilà. Mais il ne sait pas ce que c'est. D'accord. Voilà, il y a des inventeurs, souvent quand on regarde les interviews des inventeurs pendant le concours Lépine, ils tombent sur des très doués qui, eux, ont justement cette capacité-là, c'est-à-dire qu'ils ont des images dans leur tête, des plans. Ils vont les créer, puis après ils vont essayer de trouver l'utilité. D'accord. Ah, putain, j'avais pas vu cette définition, moi, pour synesthésie. Mais moi non plus. Pour moi, c'est quand t'as un sens qui est stimulé, c'est un autre qui répond. Enfin, moi j'avais vu ça comme ça. Ouais, moi la synesthésie. C'est un truc de Fred. Peut-être que je me cours complètement. Moi, c'est ce que j'avais cru comprendre, en tout cas, dans le reportage en question. Donc, dans les commentaires, venez lyncher Thomas. Il y a de l'espace, il y a de la place. On a des commentaires. Venez lyncher Thomas et venez lui dire que c'était pas le bon mot. Moi, je vais vous donner mon adresse. Vous allez venir me lyncher directement. Je pense que vous allez repartir aussi sec. Hein. Et là, vous allez vous apercevoir qu'on lâche pas Thomas comme ça. Vous avez vu la photo sur le blog. C'est quand même un morceau, le Thomas. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. La rune de vie et la rune de mort de Thomas sont à toute épreuve. Donc, la rune de création, la rune des créateurs, des réalisateurs, des gens qui ont de l'imagination, comme disait Flavie tout à l'heure. On dit aussi que c'est une rune de personnes qui sont des originaux, un petit peu des... Qui restent d'un point de vue social, qui restent dans la tête. Une fois qu'on l'a vu, on ne l'oubliera plus jamais. C'est les gens charismatiques, quoi. Voilà, le charisme. Ouais, c'est une explication un peu du carré. Je crois que c'est dit tel quel en plus, que c'est des gens qui ont du charme en fait. Parce que. Evine Delia a beaucoup en création. Je sais pas. Vous entendez ce blanc bleu. Je pourrais jamais l'oublier. Evine Delia. C'est une femme barbare, quoi. Et encore. Et les hanches de Shakira ont beaucoup en création. Les hanches, une fois qu'elles ont bougé, on ne les oublie plus jamais. D'accord, ok. Okay, c'était vraiment très intéressant. Le podcast du n'importe quoi. Les anges de Shakira, c'est sûr. Les anges de Shakira, d'accord, ok, bon, ça marche. Donc, c'est un super podcast pour dire au revoir à nos auditeurs. Donc, oui. Et en fait, c'est pour vous le dire, c'est qu'on va finir en hôpital psychiatrique. Mmh. Donc, le temps qu'on fasse nos séjours, il n'y aura pas de podcast. Quoi. Voilà, c'est ça. Classis. Donc avoir une grosse rune, enfin Classis. Avoir une grosse rune, oui, ouais. Ça a des avantages. Classis est-il un bon représentant de la rune de création ? Parce que c'est, maintenant vous avez compris que Classis est l'incarnation personnelle de la rune de création. Moi. Oui, alors si pour les gens qui ont lu Sens Néant, ah non, ils n'ont pas encore fait. Pas de bol. Bah ouais. Ouais, voilà, on peut pas dire grand chose. Mais oui, c'est une bonne incarnation. C'est une très bonne incarnation. Le côté j'apparais comme ça n'importe quand, n'importe où, je fais le guignol, ça plaît beaucoup. Hein. On voit dans les rapports de partie, tout le monde s'amuse, quitte son anecdote avec Classis et sa meilleure apparition de Classis en train de pêcher la crevette au beau milieu de... C'est et du truc. Coup, moi je me demande si ce côté apparition de Classis, tu t'as pas été le chercher dans l'inspecteur Gadget. Si, si. Ouais. Le mec qui vient donner des missions en sortant des poubelles. Truc ouais, voilà, c'est ça. C'est... Il faut toujours qu'il fasse c'est un truc Classis, un peu à la con, quoi. Oh mec, il voit là. Inspecteur Gantier. Classis. Non mais c'est, faut toujours qu'il fasse un truc à la con, genre t'es un moment un peu d'introspection et un moment t'entends toc toc toc toc toc et tu te retournes et il y a Classis qui joue au bilboquet, tu vois, ou tu vois, c'est, faut toujours qu'il fasse un truc à la con, Classis. Pendant que tu te balades à Aqua City, tu vois, tu entends une musique très profonde de la marche impériale de Star Wars. Et là il y a un balayeur en train de frotter le sol pendant qu'il le sifflote. Ouais. Ou toi t'es dans la merde en fond d'un volcan, tu sais qu'il y a peu de chances qu'on survive, et là arrive et il fait un peu chaud ici. En tout cas, Classis, clairement, c'est un bon représentant de la rune de création, mais on peut pas trop en dire. Voilà, encore ouais. Une fois de plus, on devrait les noter à chaque fois. Hein. Ouais. On commence à ressembler à Solipsis. Quand... Ouais, il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer avant la lecture de Sens Néant. Et donc, dernière rune, la rune de Néant. Voilà, c'est un peu la rune de Néant. C'est un peu celle avec, enfin voilà, c'est un peu celle sur laquelle on laissera nos éditeurs tout à l'heure, parce que il n'y aura bientôt plus rien. Plus rien. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette rune de Néant avant de se taire? Bon, t'en as marre de faire des définitions. Non, ça ne me gêne pas. La rune de Néant, bah, je dirais que c'est le contraire de la rune de création. Bon, c'est, alors la rune de Néant, ça va caractériser c'est l'impassibilité, oui. Voilà, top, c'est ça. La froideur. Le fait que. Le cynisme. Bah, en fait, tout ce qui caractérise, la capacité à ne pas ressentir les émotions extérieures. Ouais, exemple, on pourrait le voir, je sais pas moi, un médecin en train de faire une opération, il y aurait des bombes qui explosent à côté de lui, il n'y ferait pas attention, ce serait quelqu'un qui aurait beaucoup en néant. Quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc quelqu'un en fait qui ne se laisse pas facilement affecter par le monde extérieur. Et qui n'affecte pas beaucoup le monde extérieur, en fait. Ça va dans les deux sens. Il y a aussi, dans Agone, il y a une capacité qui s'appelle humour noir, qui est un avantage des farfadets. Un avantage ou un pouvoir perfide, Flavie Garnier ? Un avantage, et qui fait qu'en fait, quand t'es confronté à un truc vraiment horrible, ben, ça te touche pas et tu fais une blague dessus. Mais de très mauvais goût. Ah oui, et du coup, ça t'évite de prendre des points. Ouais, tu prends pas de points parce que de toute façon, tu vois par exemple une sorte de grand méchant qui arrive et qui est en train de faire fondre tout le monde et tu dis ah bah dis donc, ça fond ici. À fond, ça a fond les ballons. Tu vois, et c'est une blague généralement de très mauvais goût. Bah, c'est un peu ça pour moi, Néant. Tu vois, d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas en rapport avec les choses horribles qu'il peut voir et qui va généralement être tellement à l'extérieur qu'il s'en fout. Quoi. C'est l'espion. Le discret. L'espion, le discret, c'est la personne dont on ne se souvient pas. C'est la personne qui n'a pas d'impact sur toi. Alors là, je vais poser la question qui tue. Tu avais envie de rajouter quelque chose, Thomas ? Non, je pense qu'on a bien tourné autour de la définition de la rune de Néant. La discrétion, l'inapparence, le mensonge aussi. C'est la capacité de la personne. Enfin non, pas du mensonge. Du fait de pouvoir mentir sans que les autres s'aperçoivent qu'on est en train de mentir. C'est ça le truc. C'est que ça permet de cacher des choses. Mais c'est pas forcément la rune du mensonge. La rune de création étant une rune de menteur aussi, quelque part. Alors la question qui tue, Est-ce qu'Azidis est une bonne représentante? Oui, bien sûr. Bah, ah oui. Ouais. À avoir quelque chose de suspendu, qui ne dit pas un mot, qui ne sent rien. Ouais, c'est une bonne reine de néant. Mm. Voilà. Voilà, merci pour le néant. Ah, il y aura de la post-prod, mais je vous le dis. Hein. Ou pas. Ou pas. Non, mais j'aime bien te laisser ce silence comme ça, nos éditeurs. Le silence est d'or, elle dort. Alors je me tais. Alors toi, tu cites MC. Ah bah, t'as que ça comme référence. On parle d'Austin, on parle de créateurs comme Mathieu Gabory, et toi, tu nous cites MC Solar. On a parlé de Rimbaud. En même temps, on est dans le système solaire. Oh là là là là là là là là là là. Ah non, je passe. Poucha. Jingle. Youpi youpi matin. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce podcast, c'est un peu le grand n'importe quoi qui annonce la fin des podcasts sur Sens et donc sur la rune de néant. On va vous. Est-ce que vous voyez d'autres problématiques autour des runes? Bien sûr, il y en a des tas, mais on ne va pas les passer en revue. Pourquoi dans le monde de Sens, les runes sont aussi présentes, quoi? Après tout, elles font chier. On a deux runes qui se blastent la gueule pour soi-disant des histoires d'amour. Nous, on est au plein milieu, on est obligé de ramasser les miettes. Non, en fait, pourquoi je dis que deux? En fait, elles sont toutes autour des histoires d'amour. Ouais, tout, et à cause d'eux, on est dans la merde. On est dans la merde. Alors, moi, je dirais, c'est une chose à dire sur les incarnations des runes et sur les runes. Si les runes n'existaient pas, eh bien, il n'y aurait pas sens. Parce qu'en fait, il y aurait beaucoup moins de problèmes. C'est clair. Il y a une abeille. Une abeille. C'est clair. Non, c'est une guêpe. Non, c'est une abeille. Mais le truc, c'est quel. Ça fait... Alors, pour les auditeurs, j'explique qu'une guêpe ou une abeille est rentrée dans la pièce et que ça a beaucoup dérangé Thomas et Romaric. Voilà. Non, je regarde, je constate, c'est beau. Donc, quelle est ta rune préférée au final, Thomas? Aucune. Ma rune préférée? Aucune. Ma rune, mon incarnation, attention. Non. Alors, oui, ta rune est ton incarnation préférée. Parce que d'un point de vue rune, oui, bon, moi, c'est la rune de vie, hein, c'est ce que je jouais, c'est ce qui me caractérise le plus, je pense. Ouais. Voilà. Et non, les runes sont importantes dans le. C'est beau parce que je suis beaucoup de club. Mais je suis un bon vivant, quoi. J'aime bien manger, j'aime bien faire la teuf. Ouais, c'est vrai, t'aimes bien faire la teuf. Ouais. Quelque part, pour se sentir vivant, il faut forcément frôler la mort. Oh là là là là là là. Ah, c'était beau, bon, Thomas. Oh, c'était beau. Comme Cédric, bon. Là, tu nous fais une agonicite aiguë, là. Comme mais réécoutez le podcast où, sur les quadrillades de Rebirth, où il dit un moment, non, ou je sais plus quoi, ou sur les seconds couteaux, il dit, mais voyons, la mort, mais c'est formateur. À un moment donné, il dit ça. La mort, mais c'est formateur, la mort. Alors voilà, donc la vie Thomas. Voilà. Bon, moi, et Solipsis alors, du coup, nickel, incarnation. Au niveau d'incarnation, non, mais j'étais pas trop attaché à Solipsis. En fait, je les trouve trop imposants, les personnages. Enfin, tu les trouvais trop imposants, voilà. Parce que là, t'as vu la nouvelle monture du jeu. Voilà, après, vu comment se finit Sans Death par rapport à ce que vous avez vécu. Nous, on a vécu, oui, c'est vrai que c'est totalement différent. Mais voilà, moi, j'avais vraiment une autre expérience, c'est que les incarnations étaient vraiment très présentes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en tant que héros de l'aventure, des fois, on se sentait un peu écrasé. D'accord. C'est-à-dire qu'on devait faire, on était un peu obligé de faire ce que les incarnations voulaient, quoi. Ouais. C'était un peu les intérimaires. Les intérimaires personnels des runes, quoi. Voilà. Tu partages cette vision, Bobo? Bah, évidemment. Moi je me souviens d'un personnage, Nathaniel, qui arrivait en plein conseil et dire bon voilà les runes vous faites chier, ça vous êtes tous des cons quoi, bordel. Non mais effectivement, ouais, c'est vrai qu'elles étaient trop présentes à mon avis, c'est pour ça aussi que là maintenant dans le livre. Mais moi l'incarnation des runes auxquelles je me suis plus accroché, même si ça a changé un peu vers la fin, ça restait quand même Classis. Classis, ouais. Ah, Classis, j'ai la classe. D'accord, ok. Tout est dans son nom. Hein. Comme la petite boule rose d'hier soir. Comme la petite boule rose d'hier soir. La définition de classe, c'était moi. Bravo. Bobo, si t'avais une rune à retenir, la même que moi, non? K.O. K.O., bien sûr. Maintenant qu'il est mort. Bah, maintenant qu'il est mort. Non, la rune, bah, Cosmo. Cosmo. Cosmo. Après, moi, je suis pareil que Bobo, donc voilà. K.O. Vous avez compris que cette conclusion n'apporte rien du tout à nos auditeurs, parce que nous n'avons rien, créer nous n'avons plus rien. Créer les quadrillades K.O. Flavie. C'est le bordel, là. C'est le bordel. Bah ouais. C'est un podcast pour toi, c'est le podcast du K.O. Peace. Non, on ne pourra jamais faire pire que le podcast du K.O. non, c'est sûr, on pourra faire pire. Là, on vient de faire pire, je pense. C'était vraiment de la merde. Mais bon, voilà, on vous quitte sur une note d'optimisme et d'espoir. Nous n'avons plus rien à vous dire, vous l'avez constaté, puisque nous n'avons rien dit et dit que des bêtises pendant ce podcast. mais vous en faites pas, on viendra et plus fort. Je reviendrai et plus fort. Encore. Nous reviendrons. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, après la cellule, il y a du, du one shot qui va passer. Et il y a du play aussi le dimanche soir à 20h. Et du play le dimanche soir, vous pouvez nous retrouver, dire toutes nos conneries, etc., etc. Les podcasts hors série sur la cellule continuent, bien entendu, les podcasts sur le jeu de rôle, one shot aussi. Allez, à bientôt tout le monde. Au Salut. Revoir. Bonne partie. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fini. Et dire que Sans, c'était le jeu de rôle de mon premier amour.